Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'édition de la mi-journée du journal Parlé en langue française de ce samedi 26 décembre 2020, dont voici l'essentiel. Meurtre de trois casques bleus burundais de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique ce vendredi 25 décembre dans des attaques perpétrées par des éléments non identifiés à Dekoa. Contre ces forces de maintien de la paix, le secrétaire général des Nations Unies présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes. Mise en place d'une mesure interdisant l'octroi des certificats fonciers aux personnes achetant des propriétés foncières appartenant à la communauté Batwa en commune gachikanois de la province Ngozi. Certains responsables de cette communauté saluent cette mesure qui, selon eux, vient pour la protection de l'intérêt des Batwa. Inquiétude de la part de certains habitants de Mudugu en commune Gihanga de la province Bubanza, craignant l'expropriation des terrains qu'ils exploitent depuis 30 ans. Certains responsables du camp militaire de Mudugu exigent la restitution de ces terrains. Le gouverneur de Bubanza tranquillise, vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Erika Dogo assure la mise en onde. Armel Mutore est au micro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Trois casques bleus burundais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, ont été tués. Deux autres blessés dans des attaques perpétrées ce vendredi 25 décembre par des éléments non identifiés à Dekoa dans la préfecture de Kemo et à Bakuma dans la préfecture de Mbomou. Le secrétaire général des Nations Unies, par le biais de son porte-parole, condamne fermement ces attaques. Antonio Guterres présente ses plus sincères condoléances aux familles des casques bleus décédés ainsi qu'au peuple et gouvernement burundais. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le secrétaire général rappelle en outre que les attaques contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. Il exhorte les autorités centrafricaines à enquêter et à traduire rapidement en justice les responsables de telles attaques odieuses. Les personnes qui achètent ces jours-ci des propriétés foncières appartenant à la communauté Batwa des différentes collines de la commune gachikanois en province Ngozi n'auront plus le droit au certificat foncier. Le conseil communal envisage la mise en place d'une commission chargée d'étudier le sort de ceux qui sont déjà en possession d'un tel document. Propos de l'administrateur communal de gachikanois qui parle d'un problème social car une fois ces terrains vendus, ces Batwa envahissent les boisements publics. Certains responsables de cette communauté Batwa saluent cette mesure prise selon eux pour l'intérêt de cette communauté. Apollinaire Muzagara. Sur les collines Maruri et Nyarugunda de la commune gachikanois, 8 terrains appartenant à la communauté Batwa ont été déjà vendus. Théophile Nibizi, administrateur de cette commune, indique que les acheteurs viennent pour la plupart des chefs-lieux de la province Ngozi. Certains des Batwa de la colline Maruri qui sont contre ces ventes indiquent que les acheteurs sont attirés par le développement de cette localité dans laquelle est construit un marché moderne et même celui de bétail à côte. Le projet de développement du petit élevage a dernièrement même alimenter son marché en eau potable. Parmi les mesures prises selon l'administrateur communal Théophile Nibizi, l'interdiction à tout administratif de poser sa signature sur les papiers attestant la vente et la non-attribution par la commune du certificat foncier à ceux qui sont en possession de ces certificats. Le conseil communal a été déjà saisi pour mettre sur pied une commission irrelative qui va décider tout en respectant la loi. Annonce-t-il. Dongozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Dongozi, passons en province Bubanza. Les habitants de Mudugu, en commune Gihanga de la province de Bubanza, se disent inquiets de l'expropriation des terrains qu'ils exploitent depuis plus de 30 ans. Ces propriétés appartiennent au camp militaire de Mudugu, selon les responsables militaires, qui ajoutent que ces populations doivent les restituer. Le gouverneur de Bubanza tranquillise et précise qu'il est en train de suivre de près cette question. Le porte-parole de l'armée burundaise explique quant à lui qu'une commission a été mise en place afin de trouver une solution satisfaisante pour tous. Spes Caritas Kavanyan. Les habitants de Mudugu, une partie de la colline Gihungwe et une autre partie de la colline Chimbizi, au total environ 5000 ménages, disent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer puisqu'ils doivent libérer les propriétés qu'ils exploitent depuis plus de 30 ans, comme ils le disent. Une commission du ministère de la Défense nationale leur a rappelé que ces terrains appartiennent au camp militaire de Mudugu et qu'ils doivent déménager. De leur côté, ces personnes disent que ce sont des propriétés laissées par leurs ancêtres, qu'elles sont nées dans ces mêmes propriétés et qu'elles n'ont pas où aller. Le gouverneur de Bubanza, lors d'une réunion de sécurité tenue à Mudugbu même ce jeudi, a tranquillisé et a précisé que c'est une question qu'il est en train de suivre de près. De même, colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée nationale, explique lui aussi qu'il y a une commission qui a été mise en place pour statuer sur ce cas et que les deux parties seront satisfaites par les résultats. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas. Les prix de certains denrées de première nécessité ont grimpé au marché du chef-lieu de la province Mwaro. En l'espace d'un mois, certaines d'entre elles ont vu leur prix doubler au cours de cette période, notamment la patate douce. D'autres produits sont de plus en plus rares selon les commerçants. Laurent Dikulio. Selon les informations données par certains vendeurs et clients du marché du chef-lieu de la province Mwaro, le prix de certaines denrées agricoles a grimpé en l'espace d'un mois. Par exemple, un panier de patates douces a passé de 6 000 francs à 15 000 francs aujourd'hui. Certains vendeurs disent que ce produit est rare car certains acheteurs l'amènent à Bujumbura dans des véhicules. Pour la pomme de terre, un kilo a varié de 700 francs ou 800 francs le mois passé à 1 100 francs ou 1 200 francs aujourd'hui. Un kilogramme de haricots qui coûte 1 500 francs le mois passé vaut aujourd'hui 1 800 francs. Les grains de maïs ont passé de 1 100 francs le kilo à 1 200 francs le kilo dans une période d'un mois. Le riz a passé de 1 800 francs le kilo à 1 900 francs le kilo. Pour les avocats, le prix a été multiplié par 2 en l'espace d'un mois selon certains vendeurs et clients trouvés à ce marché. Pour le petit pois, un kilo a varié de 2 800 francs à 4 000 francs aujourd'hui. Le seul produit dont le prix n'a pas varié et le sucre qui coûte 2500 francs le kilo. Dans une réunion que le gouverneur de cette province a tenue à l'endroit des responsables administratifs et policiers des communes de cette province ce jeudi, il leur a demandé de suivre de près que certains commerçants ne s'adonnent à la spéculation en cette période de fête de fin d'année. De moi, Laurent Dikulio, Radio Isanganiro. Isanganiro. La radio de l'avenir. 13h passées de 2 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Poursuivons ce journal en page infrastructure. Un pont situé sur la rivière Nyabuyumhu qui relie les zones Rutegama et Mushikamo de la commune Rutegama en province Muramvya est menacé d'écroulement si rien n'est fait dans l'immédiat, indiquent les habitants de Rutegama. Ils demandent que ce pont soit réhabilité. De son côté, l'administrateur de la commune Rutegama dit que sa commune essaie de protéger ce pont à la hauteur de ses moyens, tout en attendant l'intervention de probables partenaires. Gérard Nibigui, la correspondance. Certains des habitants de la zone Mushikamo, commune Rutegama, reconnaissent l'importance de ce pont en matière de commerce et de communication de différents coins. Ce pont a de l'importance car il permet l'accès à plusieurs endroits dont la province Mwaro. Si le pont s'écoulerait, que ça serait une grande perte, mais voilà qu'il tend à s'écrouler. Ce pont est d'une grande importance pour notre zone, surtout en ce qui concerne le commerce. Nous avons aussi un centre de santé et des écoles. Nous voyons souvent des visites des cadres, donc il ne serait pas bon au cas où le pont ne fonctionnerait plus. Jugeant leur commune incapable de financer les travaux de réhabilitation de ce pont, ils réclament l'intervention des partenaires variés. Nous demandons à la commune Rutegama de chercher des partenaires pour le réhabiliter. Notre commune n'a pas assez de moyens, d'où nous invitons des partenaires variés à aider à réhabiliter ce pont. De son côté, l'administrateur de la commune Rutegama, Stani Nimbona, dit que sa commune essaie de protéger le dit pont à la hauteur de ses moyens en attendant qu'il y ait intervention de l'un ou l'autre partenaire. Ce pont est menacé et risque de s'écrouler. Et au niveau de de la commune, nous essayons à travers les travaux communautaires de planter des herbes fixatrices pour protéger les berges. Et nous sommes en train aussi de songer à protéger les curés de ce pont par des pierres en attendant que nous ayons des partenaires qui pourraient nous venir en aide pour la réhabilitation de ce pont. Un tronçon de route qui aboutit à ce pont est aussi devenu impraticable et nécessite des travaux de réhabilitation. Depuis Muramvya, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Page santé à présent, la population devrait se prévenir contre le virus de l'hépatite, lequel est très transmissible par le partage d'objets personnels ou tranchants avec une personne infectée. C'est le conseiller de Deogracia Sendaitwaye, co-chargé des programmes au sein de l'Association nationale de soutien aux séropositifs ANSS, qui signale qu'une fois atteinte de cette maladie, le traitement est trop cher. C'était lors de l'atelier de présentation des résultats de la campagne de dépistage de différentes maladies, y compris les hépatites. Suivez-le, il est traduit en français par Alain Désiré Bukenet. Kuvyerekeye igitigu cyo mu bwoko bwa B twasanze 5 n'ivyicumi 5 ku ijana. Pour le virus de l'hépatite B, on a enregistré une prévalence de 5,5%, tandis que pour l'hépatite C, on a trouvé une prévalence de 3,2%. Ces virus sont transmissibles par les mêmes voies que le VIH-Sida, mais ces hépatites sont beaucoup plus infectieuses. À titre d'exemple, le partage d'objets tranchants, le contact avec une personne infectée qui ne sait pas laver les mains après avoir fait sa toilette, ou par la salive d'une personne infectée avec le partage d'un verre. Ce qui devrait être fait pour se prévenir, c'est respecter les mêmes recommandations de la prévention contre le VIH-Sida. Mais pour les hépatites, s'ajoute l'adoption des règles d'hygiène, règles primordiales dans la lutte contre les hépatites, car je vous ai déjà dit que la salive infectée peut transmettre le virus. Évitez aussi le partage des aiguilles, des brosses à dents et autres objets tranchants. Les personnes devraient s'habituer à ces règles de la même façon qu'elles le font pour se prévenir contre la COVID-19. Des cultivateurs dans les vallées en aval de la ville de Muyinga demandent aux autorités administratives de prendre des mesures qui s'imposent en vue de protéger leurs terres cultivables inondées par des eaux de ruissellement en provenance de la ville de Muyinga. Au bureau provincial en charge de l'agriculture, élevage et environnement, l'on invite les habitants de la ville à appliquer les mesures de l'administration telles que les puisards dans chaque parcelle et d'autres stratégies de protection de l'environnement. Dieudonné Nzeiman. Dans la vallée d'Ogakundambazo, des cultivateurs observent désespérément leurs champs endommagés. Tous les marais sont couverts de boues caoutchouteuses. Les pertes sont énormes. C'est ici qu'on cultivait haricots, patates douces, riz, maïs. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus possible. Toutes les vallées en aval de la ville de Muyinga font face au même problème. Des habitants demandent à l'autorité de prendre des mesures de protection. Celui-ci demande de la mise en application de l'ordre d'avoir dans chaque parcelle de la ville de Muyinga un système de collecte d'eau. Au bureau provincial en charge de l'environnement, l'on admet que ces mesures prises par l'administration limiteraient les dégâts. Jean Bosco Ndaizeye, un des cadres à ce bureau, conseille aux habitants des collines autour de la ville de se joindre massivement aussi au programme de protection de l'environnement. Protéger les courbes de niveau tracées, de même pour les arbres plantés. En octobre, l'administrateur de la commune Muyinga a ordonné que chaque ménage de la ville de Muyinga ait un système de collecte d'eau. Certains propriétaires de parcelles ont fait sourde oreille. L'administration annonce continuer les sensibilisations, mais le moment venu, on prendra des sanctions contre les récalcitrants. Muyinga, Dieudonné Nzeimana, Radio Isanganiro. C'est par ce reportage de Dieudonné Nzeimana que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Armel Mutore. Erika Dogo était à la cabine technique. Tout de suite, c'est la revue de la presse. Bonne journée, au revoir. Yeah. vu de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. La première dame du Burundi a offert mercredi 23 décembre 2020 une assistance en vivres et non vivres aux femmes incarcérées à Mimba et aux nourrissons vivant dans cette prison, rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise qu'il s'agit de 31 nourrissons vivant dans cette prison et 237 femmes y emprisonnées. L'objectif de cette visite était de célébrer Noël avec ses enfants, leurs mamans, ainsi que les autres femmes se trouvant à Mimba, a souligné Madame Daishimiye. Ce quotidien ajoute que ce don était constitué de 500 kg de haricots, d'une tonne de riz, des savons, des habits et sandales pour enfants, du lait, de la farine pour bouillie, des biscuits et des jus pour les enfants. Dans son discours de circonstance, souligne l'ABP, la première dame a plutôt invité ces femmes incarcérées à sensibiliser les autres femmes à tout faire pour éviter la prison qui, a-t-elle estimé, n'est pas un lieu pour les enfants. Il a clôturé ses propos en leur souhaitant un joyeux Noël, les meilleurs vœux pour le nouvel an et un changement de comportement, termine son confrère. La rédaction de Net Presse se félicite d'avoir été contrariée par le décret présidentiel du 23 décembre portant mesures de grâce présidentielles en faveur de nos confrères du groupe de presse Iwachu, à savoir Kamikaze Christine, Ndirubusa Agnès, Harerimana Egide et Mozenzi Terence. Dans l'une de ses dépêches de ce 22 décembre, son confrère en ligne évoquait les 14 mois de détention que venaient de purger nos confrères et consoeurs du groupe de presse Iwachu. La rédaction avait écrit qu'ils étaient sur le point de passer leur deuxième fête de fin d'année en prison alors qu'ils n'ont fait que leur travail. Pour les professionnels des médias, se réjouit Net Presse, c'est un véritable cadeau de Noël que le président Daishimiye vient d'octroyer au groupe de presse Iwachu et au-delà de la presse burundaise en général. Le divorce est consommé entre Payway Burundi et la Régie des Eaux. Le contrat qui liait ces deux sociétés a expiré, rapporte le journal Iwachu, qui rappelle que les points de vente des unités cash power et de paiement des factures de la Régie des Eaux, contrôlées par Payway Burundi, sont à l'arrêt depuis le 5 décembre. Les clients de la Régie des Eaux se lamentent et demandent à la Régie des Eaux de décentraliser le service commercial jusqu'au quartier comme le faisait Payway avant l'expiration du contrat, écrit toujours cet hebdomadaire qui rapporte les propos du porte-parole de l'association burundaise des consommateurs, Noël Nkurunziza. Ce dernier fait remarquer dans les colonnes de cet hebdomadaire que quand une entreprise publique prend une mesure, elle devrait viser à améliorer et non compliquer la vie des consommateurs. Notre confrère Iwachu affirme avoir contacté la direction de Payway Burundi pour réaction, mais regrette qu'elle se soit refusée de tout commentaire, promettant de s'exprimer dans les jours à venir, tout en précisant que les négociations avec la Régie des Eaux se poursuivent. Revue de la presse. Un lieu touristique bien aménagé mais pas connu par le grand public, révèle la Nova. Il s'agit des eaux thermales situées sur la colline Muyange, en zone Ebamba de la commune Bururi, à quelques 8 km du petit séminaire d'Obuta. Ce confrère en ligne précise que cela fait presque 2 ans que ce site a été aménagé avec des maisons pouvant accueillir des touristes. Malheureusement, regrette ce confrère, ce site d'eau thermale connaît très peu d'affluence, expliquant que la raison est que les gens ne le connaissaient pas, alors que c'est un bon site qui devrait attirer beaucoup de touristes et faire rentrer beaucoup d'argent. En plus, non loin de ces eaux thermales, des chutes d'eau tombant du sommet de la colline Kibimbi offrent un très beau spectacle de la nature à voir absolument pour le grand plaisir des touristes, ajoute la Nova. Mais, termine son confrère en ligne, les habitants des environs de ces eaux thermales regrettent qu'ils n'ont plus le droit de les fréquenter gratuitement comme avant. Les toilettes publiques au Burundi en casse-tête, s'exclame un blogueur de Yaga Burundi qui reconnaît qu'il n'y a pas plus humain que le besoin de se soulager. Pourtant, fait-il remarquer, beaucoup de Burundais vivent sans des toilettes en bonne et due forme. Du coup, ils se soulagent, soit aux abords des rues, soit à l'air libre, dans les brousses. Ce confrère propose la construction des toilettes publiques, ou encore la mise en place et l'entretien des toilettes, dans les endroits où se rencontrent beaucoup de gens, se soulager aux frais de notre gouvernement. Est-ce trop demandé? S'interroge ce blogueur de Yaga, qui estime que c'est avant tout une question de sensibilisation pour le changement